13h22 sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Il s'agit sans doute de l'un des rares hommes que je regrette de n'avoir pas connu. C'est ainsi que M. X a commencé notre entretien cette semaine. Et il m'en a fait parler d'un homme exceptionnel, d'une sorte de génie dans son domaine, ce que nous appelons aujourd'hui la communication et qu'on appelait autrefois plus volontiers la propagande. Willy Münzenberg. Un nom que je connaissais car il a été associé au célèbre procès des présumés incendiaires du Reichstag en 1933. Mais pourquoi me parler d'un homme mort en 1940 ? Un personnage qui n'a sans doute pas été mêlé directement aux activités de M. X, qui, d'après ce que j'ai pu apprendre, n'était encore à l'époque qu'un très jeune officier des services de renseignement. Mon interlocuteur m'a donné presque aussitôt une réponse. La vie de Münzenberg, sa mort aussi, éclaire d'une façon inédite et troublante l'histoire secrète des années 30. Et d'une certaine façon, elle jette une lumière crue sur le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. En outre, Willy Münzenberg est mort en France en juin 1940. Et malgré la désorganisation des services à un moment où toutes les principales structures de l'État s'effondraient, il n'est pas improbable que M. X ait pu recueillir quelques informations sur l'enquête qui a suivi cette mort mystérieuse. Alors avant d'écouter cet étonnant récit, quelques mots sur Willy Münzenberg. Il est né en 1889. À l'âge de 14 ans, il est embauché chez un cordonnier. Mais très vite, il découvre le socialisme et sa vie va en être bouleversée. En 1914, il croise Lénine, une rencontre décisive. Un an plus tard, secrétaire de la jeunesse socialiste, il est l'un des participants de la conférence de Berne qui appelle à la paix. Ensuite, de 1915 à 1918, il s'installe à Zurich, où il dirige le bureau international de la jeunesse socialiste. Expulsé à cause de ses activités révolutionnaires, il regagne l'Allemagne et figure parmi les fondateurs du Parti communiste allemand. Il devient alors une des figures les plus éminentes du mouvement révolutionnaire international. C'est désormais l'homme des grands congrès et des campagnes d'opinion. Infatigable organisateur et propagandiste, il est par exemple au début des années 20 à l'origine de la campagne d'aide contre la famine en URSS et de la création du Secours ouvrier international. Münzenberg a trouvé sa voie, celle d'un formidable manipulateur d'opinion au service de l'URSS, et d'une certaine manière, on peut affirmer qu'il est aussi l'inventeur moderne de la désinformation, une spécialité éminemment soviétique, comme nous l'a souvent prouvé M. X. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Münzenberg a fasciné tous ceux qui l'ont rencontré ou qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Difficile de trouver un homme plus imaginatif, plus malin. S'il avait vécu aujourd'hui, j'imagine que ce serait un grand publiciste et le conseiller écouté de quelques chefs d'État. Une sorte de Séguéla. Pourquoi pas. À la différence près, elle est énorme, que Willy Münzenberg était d'abord un militant révolutionnaire et un homme de conviction. Malheureusement pour lui, c'est au service de Staline qu'il a exercé ses immenses talents. Et pourquoi malheureusement? Pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il a mis son imagination et ses dons d'organisateur au service d'une cause contestable, même s'il a joué un rôle primordial et utile dans la lutte contre le fascisme. La deuxième raison, mais je vais y venir un petit peu plus tard, c'est qu'il en est mort. Quand on déjeune avec le diable, vous le savez bien, il faut une longue, très longue cuillère. Celle de Münzenberg, à l'évidence, n'était pas assez longue. Une première question. C'était d'abord un propagandiste, hein, m'avez-vous dit. Mais est-ce qu'il avait aussi des activités occultes? Vous voulez dire, est-ce que c'était un agent? Ah oui. Ben, j'avoue que j'ai du mal à répondre. À partir de quel moment commence-t-on à être un agent? Enfin, quand Münzenberg invente l'idée de ce qu'on a appelé les organisations de front, c'est-à-dire des organisations de masse qui regroupent pêle-mêle compagnons de route, libéraux, communistes autour d'un combat commun, est-il un agent? Oui, si l'on considère que ces organisations sont en fait manipulées par Moscou. Non, si l'on observe que ces organisations travaillent à ciel ouvert, si je puis dire. Alors c'est un agent d'influence? Certainement. Mais je reviens à votre question. Il est troublant, par exemple, de constater que c'est grâce au talent de propagandiste de Willy Münzenberg que vont être recrutés les fameux espions de Cambridge. Philby et les autres. Oui. Ouais. Ah, voyez-vous, la frontière est parfois très perméable. Il est évident qu'une partie de l'activité de Münzenberg était parfaitement secrète, et téléguidée par Moscou, même si c'est son talent personnel et son imagination qui faisait le reste, et donc assurait le succès de ses multiples entreprises. Alors comment commence-t-il là? Sa première grande action, c'est une campagne contre la famine en Union soviétique. Une campagne internationale. Évidemment. Mmh. Et dans la foulée, il crée le Secours ouvrier international, un incontestable succès. C'est une ONG avant l'heure. Hein. Oui, un peu de ça, mais une ONG au service exclusif de Moscou. Münzenberg, qui était à la même époque élu député allemand, a compris que l'émotion, même plus que l'idéologie, était un fantastique outil de rassemblement et de mobilisation. Et c'est bien de l'émotion dont il se sert pour attirer astucieusement la sympathie sur le jeune régime soviétique. Personne ne peut voir sans frémir l'affiche bouleversante qu'il a conçue et qui montre un enfant mourant de faim qui tend la main. Mmh. Cette première tentative, j'imagine, va lui donner d'autres idées. Bien sûr. Mais il faut dire tout de suite que Münzenberg n'était pas l'homme d'une seule activité. Rapidement, il a bâti autour de lui toute une nébuleuse de sociétés. Une véritable multinationale, aussi active dans la charité que l'édition, la presse ou le cinéma. Ses camarades parlaient même du trust Münzenberg. Ouais, jalousie. Certainement, d'autant qu'on savait que Willy avait la confiance pleine et entière du chef. Staline. Oui, naturellement. Mais c'est avec l'avènement d'Hitler que Münzenberg va donner la pleine mesure de son talent. Il va pas rester en Allemagne quand... Non, le Parti communiste, ou ce qu'il en restera, va plonger dans la clandestinité. Willy, oui, choisit de s'exiler en France. Et c'est désormais depuis Paris qu'il va orchestrer l'ensemble de ses multiples activités. Mmh. Et puis vient, puisqu'on va en parler, vient le procès de l'incendie du Reichstag. Oui, oui, vous voulez que je vous rappelle brièvement les faits? On peut, oui. Le 27 février 1933, donc, le Reichstag, c'est-à-dire le Parlement allemand, brûle. Hitler n'est au pouvoir que depuis un mois. À peine un mois, oui. Ouais. Tout de suite, un jeune homme est arrêté, un certain Van der Lubbe, qui traînait dans les parages. Il se serait introduit dans le bâtiment en cassant une fenêtre du restaurant. Ce type, pas très équilibré, fricote avec des groupes anarchistes et communistes. C'est une occasion rêvée pour les nazis qui organisent aussitôt une vaste chasse aux communistes. Van der Lubbe est le coupable. Mais les commanditaires, ce sont les dirigeants communistes. Mmh. Je sais, bientôt le Parti communiste va être interdit. Hein, et des milliers de personnes vont être arrêtées. Oui. Mmh. Et dans l'affaire du Reichstag, quelques personnages importants du mouvement communiste sont incarcérés. Dont un dirigeant très connu. Ernst Torgler et plusieurs Bulgares. Parmi eux, il y a en particulier Dimitrov, qui est un des dirigeants les plus éminents de l'Internationale communiste. C'est aussi l'un des conseillers les plus proches de Staline. Exactement. On dirait aujourd'hui que ces arrestations et la mise en cause de ces hommes, c'est un extraordinaire coup de pub pour Hitler. Mais Münzenberg veille, et lui aussi c'est un spécialiste de la pub. Alors comment procède-t-il? Il contre-attaque en créant une nouvelle organisation, le Comité international d'aide aux victimes du fascisme hitlérien. Très habilement, il se débrouille pour qu'aucun communiste, ou presque, ne figure dans cette association. Non, il n'y a que des grands noms, des grandes consciences. Avec l'écrivain Arthur Kessler, qui est alors son bras droit, il réunit des intellectuels de tous bords. Et il arrive même à faire en sorte qu'Albert Einstein accepte la présidence de ce comité. Mmh. Mais lui-même, et Münzenberg, est-ce qu'il apparaît dans ce... Non, il contrôle tout, mais officiellement, il n'existe pas. Kessler a raconté plus tard que Münzenberg et ses collaborateurs appelaient assez cyniquement ces organisations, car il y en aura d'autres, des clubs d'innocents. Innocents parce qu'ils ne savaient pas qui se dissimulait derrière la façade. Naturellement. Et quelles sont les activités de ce comité antifasciste? Au milieu de l'année 33, il publie un livre brun sur l'incendie du Reichstag et la terreur hitlérienne. Un ouvrage qui va faire beaucoup de bruit dans le monde entier et jouer un rôle considérable dans le militantisme anti-nazi. Et ce livre, qui l'a écrit en réalité? Les collaborateurs directs de Münzenberg. Mais c'est le comité tout entier qui l'a signé, c'est-à-dire Einstein et les autres, et ça, c'est très fort. Ouais, d'accord, mais le contenu de ce livre brun? Dans les grandes lignes, il est étayé par des faits réels. À vrai dire, Münzenberg n'avait pas besoin d'en rajouter beaucoup pour dénoncer les méthodes nazies. Mais ici et là, il a rajouté quelques informations de son cru. Par exemple? L'une de ses trouvailles les plus géniales est celle-ci. Le but de l'opération est de rendre à Hitler la monnaie de sa pièce. D'ailleurs, l'accuser à son tour d'avoir fait incendier le Reichstag. Bien entendu, mais il faut des preuves, n'est-ce pas? Ou des éléments qui permettent au moins d'étayer cette thèse. Or, quelques jours à peine après l'incendie, Willy Münzenberg apprend presque par hasard qu'un tunnel reliait autrefois le bâtiment à l'extérieur. Et si les incendiaires étaient passés par là? Vous dites les incendiaires, mais les policiers allemands prétendaient que seul Van der Lubbe avait mis le feu, hein? Oui, mais c'est une version qui pouvait être aisément contestée, puisqu'on avait mis en évidence plusieurs foyers de mise à feu. L'existence du tunnel change tout. Mm-hmm. Des hommes, des nazis bien sûr, ont pu pénétrer dans le bâtiment sans être vus. Quant à Van der Lubbe, on peut prétendre que c'est un fantoche, un pauvre type qui a été utilisé à son insu. Alors aussitôt, Münzenberg se met en quête d'un plan du Reichstag. Et ce qu'il va découvrir va se révéler encore plus extraordinaire que ce qu'il espérait. La femme de Willy Münzenberg, Babette Gross, qui était elle-même une dirigeante communiste importante, a consacré un ouvrage à son compagnon. Elle écrit. Son mot magique était « solidarité ». Au début, solidarité avec les Russes affamés, ensuite avec le prolétariat du monde entier. En substituant solidarité à charité, Münzenberg trouva la clé qui ouvrit le cœur de beaucoup d'intellectuels. Ils réagirent spontanément. Et elle écrit encore un peu plus loin. Lorsqu'il parla de l'enthousiasme sacré pour le devoir prolétarien d'aider et d'assister, il fit vibrer cet empressement presque exalté au sacrifice qu'on trouve là où il y a de la foi. Autre indication intéressante. Philippe Rambrieux a consacré une fiche biographique à Willy Münzenberg dans son histoire du Parti communiste français. Il écrit, je le cite, « Installé à Paris à la suite de l'avènement d'Hitler au tout début de 1933, il va être le véritable inspirateur de toutes les initiatives de propagande d'une Cominterne en Europe occidentale et bientôt en Amérique du Nord. Arthur Koestler, qui travaillait avec lui à l'époque, note à juste titre qu'il devient alors l'éminence grise et l'organisateur invisible de la croisade mondiale antifasciste. Et plus loin, l'historien écrit encore, à son apogée lors du développement de la politique des fronts populaires, il apparaît comme un véritable génie de la propagande et la réussite spectaculaire de quelques-unes de ses grandes initiatives contribue puissamment à l'essor de l'influence du PC en France. Mais revenons à mon entretien avec M. X et à la découverte du tunnel du Reichstag. À la suite de je ne sais quelle manœuvre, Münzenberg obtient donc des plans du Parlement allemand. Et il s'aperçoit alors qu'il n'existe pas un, mais deux tunnels. Et le deuxième relie le Parlement à un bâtiment voisin qui est occupé par Göring, le président du Reichstag. Ça, il va donc pouvoir accuser les nazis d'être entrés dans le Parlement par ce souterrain. Évidemment. Je vous le dis, pour Münzenberg, c'est inespéré. Et dans le fameux livre brun, il va développer longuement cette thèse. Et vous, vous avez un avis, hein ? Non, j'ai aucune certitude. Les historiens non plus, d'ailleurs. Mais avec ce que l'on sait de la nature profonde des méthodes hitlériennes, je ne serais pas étonné que ce soit vraiment les nazis qui aient mis le feu au Reichstag afin de liquider les communistes. Mmh. Le livre brun est donc un grand succès. Considérable. Il y aura aussi un second livre brun qui dressera une liste des exactions hitlériennes et mettra en particulier l'accent sur la politique antisémite des nazis. Et ça, voyez-vous, c'est très important, car malgré certaines exagérations ou approximations, malgré certains mensonges même, le travail du Trust Münzenberg est incontestablement utile. Mmh. La cause est juste, même si les moyens utilisés ne sont pas toujours adaptés. C'est ça, ce n'est pas fini, car le bouillant et génial Willy va avoir une autre idée. Quelle idée ? Il imagine de faire un contre-procès des incendiaires présumés du Reichstag. C'est l'idée que reprendront plus tard Sartre et Russell hein, pour stigmatiser les agissements des Américains au Vietnam. Exactement. Et ce tribunal exceptionnel, composé de personnalités internationales de premier plan, avocats, hommes politiques, écrivains comme H.G. Wells, se met en place à Londres, dénonce la barbarie nazie et innocente les accusés. Avant même qu'ils ne soient jugés par un vrai tribunal allemand. Encore une opération de propagande relayée jour après jour dans la presse et parfaitement exécutée par Münzenberg. Mmh. Bon, ça c'est un faux procès, mais même s'il est spectaculaire, mais le vrai procès. Il a lieu à la fin de l'année 1933 à Leipzig. Mais pour tous les observateurs, le vrai procès s'est déroulé quelques semaines plus tôt à Londres. Il est évident que, mis à part ce pauvre van der Lubbe, on juge des innocents, des faux coupables. Et l'un des accusés, Dimitrov, profite de cette tribune pour briller, railler ses juges. Une attitude dangereuse, quand même. Tout à fait, c'est l'accusé qui accuse. Et avec quel talent ! Dimitrov démonte la manipulation nazie, pourfend le régime hitlérien, sa brutalité et son cynisme au mépris de tous les dangers. Pour lui, il est clair que ce sont les SA, les trop célèbres sections d'assaut, qui ont fait le coup et incendié le Reichstag. Bref, le Bulgare est d'un courage extrême. Un courage et une insolence qui provoquent directement les magistrats. Et pourtant, si je me souviens bien, il va être acquitté. Hein. Lui et ses co-inculpés, à l'exception de van der Lubbe, qui va être reconnu coupable, condamné à mort et bientôt exécuté, bizarrement. Pourquoi bizarrement ? Parce que vraisemblablement, ce procès a été truqué. Truqué par qui ? Ah, écoutez, là encore, je n'ai pas de certitude absolue, mais je suis à peu près persuadé que ce procès a fait l'objet d'une négociation secrète entre Hitler et Staline. En 1933, 6 ans avant le pacte germano-soviétique, là j'avoue que j'ai du mal à vous suivre, ça me paraît quand même tout à fait invraisemblable. Eh bien, détrompez-vous. Et à mon avis, la collusion entre les deux dictateurs a dû commencer là. Vous allez quand même avoir du mal à me convaincre. Hein. Sachez, avant que j'en vienne à l'histoire même du procès du Reichstag, que Staline et Hitler se sont réciproquement aidés lorsqu'il s'agissait de se débarrasser de leurs opposants, de leurs rivaux. Vous connaissez sans doute l'affaire Tukhachevski. Mmh, c'est le maréchal soviétique que Staline a fait condamner à mort. En même temps qu'une belle brochette d'officier de l'armée rouge. Tukhachevski était un militaire très populaire et certains en URSS se voyaient en lui un nouveau Bonaparte. Staline a donc décidé de le liquider. Et pour y arriver, pour le convaincre de trahison, il s'est servi de documents forgés par les services secrets d'Hitler. Oui, ça, j'ai déjà entendu parler de cette thèse. Eh bien, dans l'affaire du Reichstag, il s'est agi à peu près de la même chose, à l'envers. À l'envers? Bah, c'est Staline qui est venu en aide à Hitler. Ça mérite une petite explication, ça. Bon, j'y viens. En cette année 33, alors qu'il vient d'arriver au pouvoir, le gros problème d'Hitler, ce sont les SA. Et pourquoi? Ces brutes en uniforme militarisé et puissamment organisés par Ernst Röhm ont été le principal instrument de la conquête du pouvoir par Hitler. En 1933, les SA comptent près de 3 millions de membres. Il est évident que Röhm, qui se sent indispensable, irrésistible, envisage à terme de fondre la Reichswehr, l'armée allemande, dans sa propre formation. Hitler soudain sent le danger que représente cette armée privée qui lui obéit encore, mais pour combien de temps? Donc il envisage de s'en débarrasser. Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors Hitler va se servir de l'affaire du Reichstag. Les communistes accusent les SA. Mais c'est parfait. On va laisser faire. Mieux, on va encourager les accusateurs. Oh, ça me paraît quand même énorme. Pas du tout. Mais vous avez une preuve, un début de preuve? Bon, c'est pas vraiment une preuve, mais c'est quand même très significatif. Van der Lubbe, ce malheureux qui a été manipulé par les nazis, a été accusé d'être homosexuel. Or, Röhm et plusieurs officiers de son entourage étaient notoirement homosexuels. De là à établir un rapport entre l'incendiaire et le chef des SA, n'est-ce pas? Et puis l'étrange acquittement de Dimitrov et de ses co-inculpés, c'est bien une autre preuve. Non, car officiellement pour Hitler, il ne pouvait y avoir de pires ennemis que les communistes. Et tenir dans ses geôles un familier de Staline, c'était formidable. Eh bien non, il consent à son acquittement. J'ai toujours des doutes. Alors pourquoi Dimitrov, dans sa prison, a-t-il bénéficié d'un traitement de faveur? Vous commencez à être convaincu? Oui. Il fallait à tout prix compromettre les SA et Röhm avant leur élimination physique. Et pour réaliser cet objectif, le procès du Reichstag était une occasion qu'il ne fallait pas laisser passer, puisque le retentissement de ce procès, grâce à Musenberg et à son organisation, allait être mondial. Oui, admettons. Notez bien que Hitler ne va guère tarder à passer à l'action. La nuit des longs couteaux, c'est en juin 34, 6 mois après la conclusion du procès du Reichstag. Cette nuit-là, comme vous le savez, des dizaines de responsables SA, à commencer par Röhm, vieux compagnon d'Hitler, sont exécutés. Mais si Staline a consenti à aider Hitler dans cette affaire, quel bénéfice lui en a-t-il retiré? Mon ami Dimitrov a été libéré avec les honneurs et un prestige considérable. Mmh. Oui, mais auparavant, les communistes allemands avaient été décimés, il faut le rappeler. Staline s'en moquait. Il y a longtemps qu'il avait tiré un trait sur le parti communiste allemand. Pour lui, ce qui comptait, c'était renforcer le glacis soviétique et accroître l'influence du Comintern. Mmh. Peut-être, mais si je vous suis bien, quel rôle des gens comme Münzenberg ont pu jouer dans cette complicité entre les deux dictateurs? C'est la grande question. Il y a deux possibilités. Ou bien Musenberg était au courant des connivences Staline-Hitler et les avait même favorisées, ou bien il les ignorait et avait travaillé sincèrement à lutter contre l'idéologie nazie. Mais quelle que soit la vérité, il était condamné. Je comprends pas. Complice de Staline, il était porteur d'un tel secret qu'un jour ou l'autre, il faudrait l'éliminer. Innocent, il était encore plus dangereux car le jour venu, il ne pourrait pas accepter l'inévitable rapprochement entre Staline et Hitler. Dans la prolifique littérature consacrée à cette affaire, je n'ai trouvé qu'un livre qui recoupe en partie la thèse de M. X. Signé par Stephen Koch et intitulé « La fin de l'innocence », il est paru chez Grasset. J'en extrais ces quelques lignes. L'objectif secret, mais authentique, du procès de Leipzig était de discréditer les SA avant leur élimination. C'est dans cette communauté d'intérêts que Hitler et Staline ont trouvé les bases d'une liaison dont le secret a été si jalousement gardé. À la lumière de cette convergence d'intérêts, toute l'énergie déployée pour la campagne de propagande nazie, comme les efforts de Münzenberg, prennent brusquement tout leur sens. L'objectif commun aux deux entreprises de désinformation n'était pas principalement pour chaque camp de s'attaquer à l'autre, malgré les injures qu'ils échangeaient. Un peu plus loin, le même auteur ajoute « Discréditer Röhm n'était pas un travail que Hitler pouvait accomplir tout seul sans mettre Röhm sur ses gardes devant le danger qu'il courait. Mais les communistes, il fallait les laisser faire les gros titres, leur permettre d'alerter le monde entier et la Reichswehr. Ce fut le premier des innombrables accords grâce auxquels les deux dictateurs se sont servis l'un de l'autre pour discréditer leurs propres ennemis internes. Tout le contenu des livres bruns et même le contre-procès de Londres visait à dénigrer les SA et Röhm en particulier. Il est intéressant de noter que les deux livres bruns sont plutôt indulgents à l'égard de Hitler lui-même. Alors revenons à la question essentielle en ce qui concerne Willy Münzenberg. Le grand manipulateur a-t-il été lui-même manipulé ou connaissait-il ses connivences entre Staline et Hitler? Sincèrement, je crois que Musenberg ne savait pas. Mais comment pouvez-vous en être aussi sûr? Je suis persuadé que Willy était un antifasciste sincère, et la suite de son histoire va en apporter la preuve. Sachez d'abord qu'après le procès du Reichstag, Musenberg a créé d'autres organisations. D'autres clubs d'innocents, monsieur. Il y a par exemple l'Association internationale des juristes démocrates ou encore le Comité contre la guerre et le nazisme, ce qu'on a appelé le mouvement Amsterdam-Pleyel, et qui va regrouper des écrivains prestigieux. Oui, Romain Rolland, Gide... Et Gorky, et Barbus, et tant d'autres. Et bientôt, lorsque la guerre civile va éclater en Espagne, Musenberg va mettre sur pied des comités d'aide au peuple espagnol, et même une commission d'enquête contre l'intervention étrangère en Espagne. Grâce à lui, les plus grands intellectuels vont se mobiliser en faveur des républicains, mais déjà, Willy est menacé. Et pourquoi ? Il y a plusieurs raisons qui vont se conjuguer. Mais la principale, c'est que Staline est en train de changer insidieusement de politique. Le résultat, ce sera le pacte germano-soviétique de 1939. Ouais. Et donc le vrai rapprochement avec Hitler. Et aussi l'abandon de la politique des fronts populaires et de la main tendue aux socialistes. Ouais, et puis en même temps, on va assister à une série impressionnante de purges en URSS, hein, les sinistres procès de Moscou. Oui, les vieux bolcheviks sont liquidés. Ceux qui se trouvent à l'étranger en tant qu'agents du Comintern en particulier, ceux qui ont été envoyés en Espagne, sont rappelés à Moscou, jugés sommairement et exécutés. Staline, manifestement, veut avoir les mains libres pour appliquer sa nouvelle politique. Et Musenberg, là, au milieu de cette tempête... Bah, lui aussi est convoqué à Moscou. Et il s'y rend ? Oui, mais miraculeusement, il réussit à repartir. Mais se rend-il compte alors de ce qui se passe là ? Tout à fait. Plusieurs indices lui permettent de comprendre. Et d'abord le fait que son protecteur et ami Radek, un bolchevique de la première heure, tombe à son tour dans la trappe. Ensuite, Musenberg, très impliqué dans l'affaire espagnole, voit bien que Staline ne souhaite pas vraiment la victoire des républicains espagnols. En réalité, le dictateur du Kremlin a mis une croix sur la lutte antifasciste. Et ça a une conséquence immédiate pour Willy Musenberg. Laquelle ? Dans cette nouvelle optique, le génial chef d'orchestre de la campagne antifasciste n'a plus aucune utilité. Et il devient même carrément gênant, car Musenberg n'a nullement l'intention d'abandonner, de renoncer à ce qui a été quand même la grande affaire de son existence. Il faut donc l'éliminer lui aussi. Exactement. Mais Musenberg était un personnage considérable dans le mouvement communiste international, où chacun savait le rôle qu'il avait joué. C'était difficile de le liquider purement et simplement en France. D'autant qu'il refusait avec obstination de revenir à Moscou, on le comprend. Et que très habilement, Willy continuait à militer contre le nazisme et le fascisme à travers de nouvelles associations. C'était aussi sa façon à lui de se protéger. Or, Staline ne pouvait pas reconnaître ouvertement que son objectif était de conclure un pacte avec Hitler. C'est quand même une protection aléatoire quand on connaît les méthodes staliniennes. Oui, vous avez raison, mais Musenberg pensait que tant qu'il continuerait à agir, il serait inattaquable. Une illusion, bien entendu. En 1937, premier coup de semonce, Musenberg est exclu du Parti communiste. À ce moment-là, c'est clair. Oui, mais Musenberg s'entête. Il menace de révéler quelques-uns des secrets qu'il détient si on maintient son exclusion. Ce sont des secrets relatifs à la manipulation de ces organisations de masse qu'il avait créées ? En particulier, oui, mais rien n'y fait. Musenberg est viré. Et il révèle ses secrets ? Non, mais il faut se mettre à sa place. Est-ce qu'on peut soudain trahir un camp qu'on a servi fidèlement pendant tant d'années ? Difficile, n'est-ce pas, même si on est sûr d'avoir raison. Alors Willy poursuit le combat à sa façon. Il crée une revue de prestige, dit Zukunft, le futur. Un titre où il rassemble de grandes signatures, comme les frères Mann, Heinrich et Thomas, Mannes Sperber et bien sûr Arthur Koestler. La tonalité de cette revue ? Résolument antitotalitaire. Antitotalitaire et par conséquent également antistalinienne. Naturellement. Désormais, Musenberg est donc devenu un ennemi et sa vie est en danger. D'autant plus qu'en 1939, le pacte germano-soviétique est signé. Staline jette le masque. Musenberg est un homme en sursis. Les tueurs du NKVD sont à ses trousses. En octobre 40, des chasseurs retrouvent son corps dans la campagne près de Grenoble. Apparemment, Willy se serait pendu. Mais aucun de ses amis ne croit la version du suicide. Il a donc été assassiné. Bien évidemment. Par les soviétiques. On peut le penser. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Expliquez-moi. Je dois d'abord vous dire que si je connais une partie de la vérité à propos de la disparition de Willy Musenberg, c'est que j'ai eu accès à des dossiers de police très confidentiels. Je vous écoute. En mai 1940, alors que la défaite de la France semble inéluctable, Musenberg se rend volontairement dans un camp d'internement où sont rassemblés les étrangers et surtout les Allemands exilés. C'est une étrange réaction, ça. Non, Musenberg pense ainsi qu'au milieu de cette foule, il sera protégé. Car s'il sait qu'il est directement menacé par les tueurs de Staline, il n'ignore pas que s'il est pris par les nazis, il subira le même sort. Oui, mais il aurait pu fuir, quitter la France avant qu'il ne soit trop tard. Hein. Mais c'est bien ce qu'il a l'intention de faire, dès sa libération de ce camp d'internement, avec d'autres Allemands. Il est transféré près de Grenoble. À Grenoble, La Suisse n'est pas loin. Donc il compte s'évader. Oui. Ce n'est pas très compliqué parce que la surveillance est plutôt lâche. Et effectivement, vers le 21 juin, avec trois compagnons qui l'encouragent fortement, il s'enfuit. Et qui sont ces compagnons? Ce sont des Allemands eux aussi? Tous les trois, oui, des anti-nazis. Le but de Münzenberg, c'est d'acheter une voiture et de gagner la frontière avec ses compagnons. Mais il n'y arrivera jamais. Que se passe-t-il? Deux de ces hommes sont en réalité des agents du NKVD. Et le troisième a partie liée avec les services secrets nazis. La collusion Hitler-Staline se manifeste, là encore. En passant près d'un bois, l'un de ces tueurs étrangle Münzenberg et sans doute avec la complicité des deux autres, le pend à un arbre. Le génie de la propagande antifasciste est mort. Nazis et soviétiques se sont débarrassés ensemble d'un ennemi qui serait devenu certainement implacable s'il avait vécu. Et quelles preuves pouvez-vous m'apporter, là? Ces trois hommes ont aussitôt mystérieusement disparu, mais l'un des trois, un nommé Artigue, a réapparu, lui, à Paris, où il s'est mis instantanément au service des nazis. Difficile de corroborer cette thèse de la collusion nazi-soviétique. Il n'est peut-être quand même pas inutile de noter que pour les communistes, qui après-guerre n'ont pas hésité à qualifier Willy Münzenberg d'agent fasciste, seule la version du suicide est correcte. Le fils d'un des deux compagnons de Willy, un certain Gerhard Leo, a même publié un livre en Allemagne de l'Est, peu avant la chute du mur de Berlin, afin d'expliciter cette thèse invraisemblable. Une preuve peut-être que l'assassinat de Münzenberg restait un demi-siècle plus tard une tache indélébile dans l'histoire communiste.